J'écris encore une fois pour m'exprimer, pour pas me baiser, pour me délibérer. C'est tu es rappé qui vient à ta pleurer. Je rappe pour les connaisseurs, pas pour les cœurs en ligne blanche. Sauf que ta soeur, je dors un stylo sous l'oreille. C'est une musique sans thème. Pour les roues, pas pour les PD, car je sais que t'aimes. On écrit cette vie chaîne. On vit avec les chaînes, ici c'est la haine. J'y règne, je fais un placebo pour les roues, fumeur pédo. Pas pour Nago, juste pour baiser ta go, c'est ça, gros, nique les faux. Là c'est ma tour. J'aime les plaques pour les fumettes, j'aime les filles pour les fêtes. Une petite fille pour mes dettes, mais y'a des putes de flics qui valent ma tête. Des clous qu'on dérange dans mon hall, sans comprendre. Pour un tour, ACHIM, sans DDHLM. Fumeur de haine, baiser de chaîne. Rimeur de peine, traceur de scène. Dans mon école, ça tire et ça vole. La brise qui décolle, l'osera de colle, ça cible ta colle. Passe-moi ton col, pas tant que ces avions qui décollent. Et à chaque fête, on picole. Exprimé pour pas me baiser, bon. Libéré, c'est du rappé qui vient. Elle a freiné sur nos cahiers pour des petits escoviers. C'est BOSS, du CBS. Pour les mecs de la tête, ressortir me tourne en fait. Si j'avais la tube de bécane, j'achèterais tout Paname. Avec mon rap, tu restes pas calme. Les salopes qui mettent un pas dans ma rue, c'est pour faire ma bite dans le cul. Ce que le but, c'est que je suis toujours en lutte. Dans ma GP, quand je baisse, ça fait hit. Moi, je l'état avec mon Beretta. Je laisse un droit en bon état. Pas comme on ira, les attentats. Je me classe dans le T1, c'est 83 quoi. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas du peur pour l'état. Pas. La rue, c'est la vie ici, mais la vraie vie, c'est pas la rue. On tombe dans les vies, c'est vertu, papa. Si tu l'as pas vu, la vie te mange d'un seul coup. Ce qu'on raconte là, c'est notre vécu. La tête, tu l'as lu, maintenant tu l'as entendu. La rue, c'est la vie ici. La vraie vie, c'est pas la rue. On tombe dans les vies, c'est vertu, papa. Si tu l'as pas vu, la vie te mange d'un seul coup. Ce qu'on raconte là, c'est notre vécu. La tête, tu l'as lu, maintenant tu l'as entendu. On vit dans le sevi, c'est chose qu'on vit sur le pavé. Dragueur de gadji, pas tu sors de tebi. On vit sur le snesby. On nique le Tommy, on kiffe le Tobi. Avec mon rap, tu sens le gomi. Et ouais, c'est ça, la vie. On profite du RMI, tu connais ça, l'ami. C'est un jeu Lacoste, pas du Takini. Pas de HDI, que du GTI. On veut toujours plus de sous, ta soeur, je la fous en dessous. Sous, j'ai pas tatouage à la main de bon courage, j'aime pas non plus ce galave. Là, les flics à 3, un grand de baisse, ton 9-3, je suis le genre de voix. Pas le fumeur de bois, on nique notre cage dans le H. Avec moi, Brahim, fumeur de rime, contre les cons qui friment, gars, tu ne trimes pas, putain, pisse à papa. Moi, Renaud, appelle-moi Thomas, c'est moi qui v'la pas une rosta du purin, mère à ça, de la marijuana, tonton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu pars, je te fous un coup de ce bain. Un jour, j'aurai un CD ou un CDD, je serai PDG, je rendrai des CD, je ferai mon truc contre les PD. La France, tu tournes dos, c'est pas grave, on la niquera, gros, ici, c'est chaud. Gros, je t'en pas la main, si t'as pas de bébé, tu sers à rien. La rue c'est la vie ici, mais la vie c'est pas la rue. On tombe dans les bis, c'est perdu, parle pas si tu l'as pas vu. La vie te mange d'un seul cru, ce qu'on raconte là c'est la vécu. Laisse tu l'as lu, maintenant tu l'as entendu. La rue c'est la vie ici, mais la vie c'est pas la rue. On tombe dans les bis, c'est perdu, parle pas si tu l'as pas vu. La vie te mange d'un seul cru, ce qu'on raconte là c'est la vécu. Laisse tu l'as lu, maintenant tu l'as entendu. T'as pleuré, je rappe pour les connaisseurs. Connaisseurs, pas pour les lecteurs. ACHIM, CDDHLM, fumeur de haine, baiser de chaîne. Pour les robots, pour les PD. Car je sais que t'aimes, on écrit cette vie chaîne. On vit avec des chaînes. Ici c'est la haine. Dans mon école, ça tire, ça vole. Ça vole, la brise qui décolle. Les PD, car je sais que t'aimes, on écrit cette vie chaîne. Let's check.